wa mani le bi bi ma ola go ili menya o petro le me panyenda to klale ato mon roi rédempteur, rédempteur. J'ai jugé, accusé, menti, trompé, frappé et même volé. Je sais, je ne suis pas parfaite. L'inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi. Parce que je t'avais oublié. N'en plaignons pas, nanas et tris. Tu m'as volé, what the man. Mon roi rédempteur, mon roi rédempteur, mon roi rédempteur, J'ai accusé, menti, trompé, frappé et même volé. Je sais, je ne suis pas parfaite, non, non, non. L'inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi. Parce que je t'avais oublié. Que t'es emparé de moi.